À tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 504 qui démarre avec un album de la semaine, l'album Brainwashed de George Harrison, sorti en 2002. On écoutera sur cet album Any Road, P2, Vatican Blues, Last Saturday Night. Ouais, c'est long, mais c'est le titre. Pish's Fish, je crois que c'est ça. Looking for You, The Rising Sun et Between the Devil and the Deep Blue Sea. Il y aura également du McCartney, du Lennon et du Ringo Starr et des Beatles, forcément. Pour McCartney, au début, ce sera Ooh You sur l'album McCartney 70. Pour Lennon, ce sera Cripple Inside, la sixième prise sur l'album Imagine, The Ultimate Collection, sorti 2018, et bien sûr, il s'agit de l'album de 71, l'album Imagine. Pour George Harrison, non, pour Ringo Starr, ce sera Six O'Clock, mais la version longue qui paraît sur l'album d'après, mais la ressortie, le remasters, l'album Goodnight Vienna, c'est là que vous retrouvez cette chanson qui date de 1973, mais sur l'album Goodnight Vienna, le remasters. Bon, bref, avec la participation évidemment de Paul McCartney. Et puis les Beatles, on commencera par une home demo qui s'appelle Goodbye, voilà. Donc, écoutez, je vous propose de nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, et je vous souhaite une très très bonne émission. L'album Brainwashed, voici Any Road, tous les chemins mènent à Rome et à George Harrison. I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Spin of a wheel with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare. And if you don't know where you're going, any road will take you there. And I've been traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time. Traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare if you don't know where you're going. Any road will take you there. Teeth by the breadth of her hair, traveling where the fall winds blow, with the sun on my face, in the ice and the snow. But ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere if you don't know where you're going.

Faisant suite aux introspections claustrophobiques de l'album Plastic Ono Band, l'album Imagine est plus enclin à regarder par la fenêtre pour se moquer du monde extérieur. Si la chanson Cripple Inside reste sombre dans son contenu et est animée par la volonté d'autoflagellation, elle est présentée ici de façon gaie et entraînante. Ses paroles sont une simple mise en garde. On ne peut pas utiliser d'artifice pour déguiser ses problèmes fondamentaux. John fait appel sur ce titre à un ensemble de farces musicales pour faire passer le message. Un piano ragtime se mêle à un slide de guitare assuré par George Harrison, oui. Et est-ce qu'il se moquait de Paul McCartney lorsqu'il dit « You can live a lie until you die »,« Tu peux vivre un mensonge jusqu'à ta mort ». Il faudrait demander à la personne concernée, à savoir John Lennon, il faudrait qu'il nous le dise, parce que c'est facile de refaire l'histoire après. Ce n'était pas forcément pour Paul, à moins que. Voici Ringo Starr sur RIG avec 6 o'clock, la version longue. 6 o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep. That keeps me asking, you keep me asking. You keep me wondering why. My head, it makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. I don't No, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. I know you would say you love my way, it's good enough for you. But I know for sure I could do more. De bonus, mais on entend bien Paul McCartney dans cette minute 15. C'était en 1973. Nous remontons le temps, mais de pas loin, de 4 ans, sur l'album Abbey Road, enfin, pendant les sessions d'Abbey Road, Paul McCartney nous fait une démo pour Mary Hopkins, il me semble. Une chanson qui s'appelle Goodbye. Rien que la démo, déjà, c'est très très bon boulot. Voici Goodbye. Don't wake me up too late. Tomorrow comes and I will not be late. Late today when it becomes tomorrow, I will leave and go away. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love. Songs that lingered on my lips excite me now and linger on my mind. Leave your flowers at my door, I leave them for the one who waits behind. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. sign. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, my love, goodbye. Goodbye, bye bye. Allez, puisque vous êtes sage et puisqu'on a du temps, je vous propose la version de la chanteuse en question, Mary Hopkins, sur RIG. Proposé du Lennon, du McCartney, du Harrison et du Starr, il est temps pour moi de vous parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo et George, leur tournée, enfin ce qui reste, ils vont la reprendre. En tout cas, Ringo Starr, attendez. Ringo Starr a dit qu'il reprenait les tournées. McCartney va participer, là, dans quelques temps, aux 20 ans du concert qui avait été fait après la catastrophe des tours en 2001. Sera présent, donc on peut avoir un peu de chance et penser que McCartney et Ringo Starr, on pourra les revoir en Europe et notamment en France très très bientôt. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez savoir sur les albums, si vous voulez savoir tout sur les à côté des Beatles, copains des Beatles, si vous voulez, c'est dans BeatlesMagazineUK.com. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est écouté, et c'est lu en tout cas, par des milliers et des millions même de personnes. N'hésitez pas, Beatles Magazine, UK.com. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, les paroles. On retrouve l'album de la semaine et P2 Vatican Blues Last Saturday Night, un titre étrange. C'est George Harrison sur la RG. Gaze at the ceiling from below. Splendid Michelangelo, fill my heart with delight. That's Saturday night. I arrive believing from home. Find every step inside St. Peter's Dome. Claustrophobic and ex-Catholic. That's Saturday night. Nobody you'd really notice. A puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. One of all the three Hail Marys. Each Saturday night. Let's hear Connemara Jingers. Play it, card, baby. Let's face it, in my concrete tuxedo, it's quite suspicious, to say the least. While mentioning it to my priest, one of all the three Hail Marys, each Saturday night. RG 90.7, la radio des Beatles. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on. Sur l'album Help. On passe un an plus tard, en 1966, lorsqu'on demande, je ne parle pas en 1966, mais lorsqu'on demande maintenant à Paul McCartney ce qu'il pense de ses anciennes chansons avec les Beatles, il dit, ben, par exemple, là c'est moi qui le paraphrase, il ne l'a peut-être pas dit sur cette chanson-là, mais lorsque je pense à la chanson For No One de l'album Revolver, sur l'album Revolver en 1966, je me dis quand même que j'avais 24 ans quand j'ai écrit ça et que c'est plutôt pas mal foutu. La voici la chanson. Your day breaks, your mind aches. You find that all our words of kindness linger

sûr quand même que le cri final, c'est un clin d'œil à John Lennon, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, John Lennon, on va l'écouter dans quelques instants. C'est sur l'album Dakota, l'anthologie Lennon, paru en 1998, une bonne chanson qui s'appelle My Life sur RIG. Okay, but we like to have these things on record. This song gets a hysterical this time. My life, take it, it's mine to give. Take it, let me live. In you, my life, take it, it's yours. Do what you will, I dedicate it to you. What's the use in waking if you're not there? My life, take it, for better or worse. Why waste time when we both know? Together is the only way we're gonna make it. Anyway, take it, my life. My life is you. Avant de retrouver I Don't Believe You de Ringo Starr sur l'excellent album Time Takes Time, on refait un tour sur Brainwashed. 15 années séparent Brainwashed de son prédécesseur qui était Cloud Nine, bien entendu. Cette longue interruption n'a en rien fait perdre la main au cadet des Beatles pour trousser sans faute une série de compositions toniques et ciselées comme P2, Vatican Blues, Last Saturday Night qu'on a entendu tout à l'heure, Any Road qu'on a écouté également. Intimiste et touchante, Looking for My Life, Rising Sun, Stuck Inside a Cloud. Et pour notre plus grand plaisir, George offre une seconde existence à Run So Far, une épatante chanson qu'il avait offerte en 89 à Eric Clapton pour son album Journeyman. Et il repêche Between the Devil and the Deep Blue Sea, un standard de 1932 chanté à l'origine par Cab Calloway et repris plus tard par Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et quelques autres. George Harrison l'avait quant à lui interprété à la BBC en 1991 avec Jules Holland, Joe Brown, Ray Cooper et quelques autres. Et cette version, Bon Enfant, circulait depuis quelque temps sur les bootlegs. Apaisé, apaisant et méditatif, Marwa Blues est l'une des rares pièces instrumentales signées du guitariste. Habituellement peu démonstratif avec son instrument de prédilection, il laisse ici s'exprimer sa sensibilité au travers d'une envolée de notes cristallines et sensuelles. Une bouleversante et très climatique performance qui lui vaudra un Grammy Awards en 2004. L'album finit sa course sur la composition qui lui donne son titre, Brainwashed, qui là pointe du doigt le continuel lavage de cerveau que nous imposent toutes sortes d'institutions scolaires, militaires, politiques, financières. Avant de s'achever sur et de s'élever sur un mantra chanté à l'unisson par le duo Harrison, père et fils. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album-là, en gros. Et je vais taper dans le micro, pardon. Et voici donc

she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. The first time. Get good. Cold Turkey de John Lennon, extrait de l'album Life, Peace in Toronto sur RIG. We'll be right back. évite l'horreur là. La dinde, comme dit l'un d'entre vous sur Facebook dans, dans la saga des femmes fortes. Je vous propose de retourner à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Brainwashed de George Harrison. Voici Looking for My Life sur RIG, extrait de l'album Brainwashed. Yeah. il faut dire que les Beatles travaillaient ainsi, ils créaient des chansons, par exemple Lennon et McCartney, et ils arrivaient en studio avec leurs potes en disant « ben voilà ce que donne la chanson » et ils leur jouaient la chanson. Et c'est comme ça que ça marchait, ils n'arrivaient pas chacun tour à tour dans le studio, ils étaient tous les quatre là pour essayer de faire quelque chose quand ils étaient tous les quatre là. Mais pour cette chanson « Hey Bulldog », lors des répétitions, la chanson d'origine c'était « Hey Bullfrog ». Mais lorsqu'ils ont commencé à la jouer, à un moment donné, je ne sais plus si c'est Lennon ou McCartney, ils ont commencé avec le « Row » comme ça, du chien. Et c'est le « Bulldog », le « Bullfrog » est devenu « Bulldog ». Voici la chanson finale que vous venez d'entendre. C'est assez intéressant comme anecdote, parce que ça part de rien, juste un qui a commencé à faire « Row » et les autres qui se sont mis à délirer dessus, et c'était assez sympa, voilà. Ça aurait dû être en fait interprété par Jeff Lynne et Dave Kroll, mais je n'ai pas eu le temps de réintégrer la chanson à mon ordinateur, donc je vous ai mis la version originale des Beatles. Pour la chanson suivante, donc c'est pas la cover, mais c'est le fils d'eux. La chanson suivante, c'est John Lennon, Julian Lennon plutôt. Extrait du même album qui vous a plu la semaine dernière, vous avez passé OK For You. Voici Say You're Wrong sur l'album Valot en 1984. On a vraiment l'impression que c'est la suite même de John Lennon, ce qu'il lui aurait pu faire en 1984 s'il était resté en vie. Voici Julian sur RIG. Say you're wrong. Romantic side of Paul McCartney. time itself is falling. A love so warm and beautiful never fades away. Love, faith, and hope are beautiful when your world is touched by sadness. Douce voix de Paul McCartney en 1976 sur l'album At the Speed of Sound. On retrouvera la douce voix tout à l'heure dans 3 ou 4 chansons. Nous allons revenir en arrière de 13 ans par rapport à 1976 sur le premier album des Beatles. L'album s'appelle Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. C'est le nom complet de l'album. Je préfère l'appeler Please Please Me, c'est plus facile. Voici Misery sur RIG. Ensuite, ce sera l'album de la semaine à nouveau. The world is treating me bad.

la saga des Fab Four, je vous propose de retrouver la chanson 20 Flight Rock, reprise en 1988, et je dis bien 1988, sur l'album, alors je sais pas comment on dit en russe, Choba BCCCP. Il est d'abord paru juste sur le sol russe en 1988 en vinyle, et j'ai le vinyle, tout écrit en russe, c'est extrêmement sympa. Et il est ressorti en 1991 pour le reste du monde, et tant mieux, en CD avec les titres en anglais. Voici une 20 Flight Rock qui sera suivie par une chanson douce, encore le côté tendre de Paul McCartney, qui date de 1980. I got the gal through the record machine. When it comes to rocking, she's a queen. Won't you dance on a Saturday night? All alone, rock and hold it tight. She lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I'm all 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. I'm on the 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to try. Get to the top. Well, she called me up on the telephone, said, come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm a bad with aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I'm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Fake some useless stairs. I hope they heard me before it's too late. You know I love my baby. All this climbing is getting me down. If I'm a cop straight over the rail, but I'm all 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. I'm 12, but I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. I get to the top, and I'm too tired to roll. someone sleeping through a bad dream. Tomorrow it will be over. All the world will soon be breaking to a summer's day. Cette chanson, elle fait partie d'un album qui s'appelle McCartney 2, qui est assez décrié par la critique. On dit que c'est un album faible de Paul McCartney. C'est pas son meilleur album, d'accord. Mais il y a des perles, comme cette chanson-là, qui est une très très bonne chanson. C'est aussi sur cet album quand même qu'il y a Coming Up. Mais on écoutera une autre fois dans la saga des Fab Four. Rock and roll, Roll Over Beethoven, les Beatles sur RG.

guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep, the devil and the deep, the devil and the deep blue sea. Coming soon, feeling lonely in this empty room. Something's been going wrong. I'm barely holding on, and it's true. All it takes is one. Feeling insecure. Is it just me? I'm not really sure. Something's been going on. I know it won't be long, and it's true. De l'excellent album Vertical One par Ringo Starr en 1998. La chanson suivante, on arrive bientôt à la fin de l'émission, a été chantée à l'origine par une certaine Y.O. Mais heureusement, en guide vocal, pendant longtemps en pirate, c'était John Lennon qui l'a chantée, Every Man Has a Woman Who Loves Him. Et cette chanson est enfin parue sur un album, l'album Give Me Some Truth, la version deluxe, sortie il y a peu de temps, je crois c'est en 2020 ou un petit peu avant, laissez-moi vous le dire. Ouais, 2020, bien joué, la version deluxe. Voici la chanson, heureusement chantée par John Lennon. Là, franchement, par John Lennon, ça passe. Par l'autre, bah, écoutez, je sais pas, je l'ai pas écouté. Lives are in this lifetime. chanson prise dans le coffre-fort de Paul McCartney qui aurait dû sortir en 1987, Return to Paperland sur RIG. Une dernière chanson avant de se quitter, avant le petit cadeau, avant de se quitter. Voici le Ringo Starr de la fin en principe. Peace Dream, extrait de l'album Why Not en 2010. L'album Why Not est déjà sorti il y a 11 ans avec un jeune Ringo Starr de 70 ans. Ah oui, maintenant 81. Qu'est-ce que c'est dingue quand on y pense. Bon, il est 22h dans une petite poignée de secondes. Il sera 22h. En théorie, vous auriez dû entendre Eric, mais Eric n'est pas là. Il m'a dit, si tu veux prolonger, tu prolonges. Alors, je vous propose 16 minutes à peu près de bonus avec un bon bonus, celui-ci. Give me your money. You only

de ne pas avoir inclus ça, de ne pas avoir refait un petit travail dessus pour qu'on obtienne ça. Ça aurait été vraiment très très très bien. 22h passées de 16 minutes, et je vous dis au revoir. Ça fait quand même 2-3 émissions qu'on a beaucoup de mal à passer. J'espère que la prochaine sera bien. En tout cas, je vais être hyper à la bourre pour les podcasts. Je vous promets le podcast de la 503 rapidement. D'ici un jour ou deux, je vais faire le maximum. Ce podcast-là, de cette émission-là, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que je rajoute des voix sur l'espace où ça n'a pas bien marché. Alors si vous avez écouté l'émission et que j'ai rajouté des voix, ben, vous comprendrez que j'ai rajouté des voix après l'émission. Mais bon, enfin bref, on se débrouille. C'était quand même, c'est du local, hein, c'est pas du professionnel, donc on fait ce qu'on peut. Merci en tout cas d'être resté, ça vous êtes absolument adorable. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures et je vais tâcher de continuer à travailler sur cet ordinateur pour qu'il nous rende tout ce qu'il doit nous rendre pour la saga des Fab Four. Merci, bisous aux filles, poignez-moi aux garçons. See you next time, bye bye.